place provençale à l'Avignon. On fout le roi. On va en foutre le dawa. Je te casse les dents, si ça pas de mots sains, mais lâche mon chemin. Mais si tu me prends la tête, je t'attends la bête de choc. À tout moment, mon bonbon. À te lever la tête, je vis dans une poubelle. À te lever la tête, je bois de l'eau jamais. Je bois de la bière. Juste rythmique, check it out.